Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Madeleine Vionnet ou la haute couture libre. C'était il y a un siècle, les années 1920-1930, l'âge d'or de la mode à Paris. L'époque aussi où les femmes dominent la haute couture. Leurs noms font rêver, Coco Chanel, Jeanne Lanvin, les sœurs Callot, Alix, future Madame Gray, Jeanne Paquin, Elsa Schiaparelli. Et bien sûr, la plus audacieuse, la plus révolutionnaire et sans doute aussi la plus discrète, Madeleine Vionnet. Les chemins de la renommée sont mystérieux. Celle qui, dans les années 20, symbolise l'élégance absolue, la pureté de la ligne, une féminité à la fois moderne et intemporelle, sera totalement oubliée pendant les Trente Glorieuses, avant d'être redécouverte dans les années 80 et de devenir la référence pour des créateurs comme Yamamoto, Azzedine Alaïa ou Jean-Paul Gaultier. Si aujourd'hui les robes de Madeleine Vionnet, féeriques et luxueuses, appartiennent à un autre monde que le nôtre, il n'empêche, nous lui devons beaucoup. C'est elle qui, avant même la guerre de 14, libère les femmes du corset et invente des vêtements pour des corps et des esprits en mouvement et libres. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Sophie Courdian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de la mode, vous enseignez à l'Université américaine de Paris. Avez-vous déjà tenu dans vos mains une robe signée Madeleine Vionnet? Avez-vous eu cette chance? Je n'ose même pas vous demander si vous en avez déjà porté une. Non, en effet, parce que porter, c'est très compliqué. Au musée, on a le droit d'aller les voir. Mm-hmm. Les toucher, c'est vraiment compliqué. C'est interdit pour des raisons de conservation. Bien sûr. Les porter encore plus, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Mais même si on ne les touche pas, si on ne les porte pas, on voit tout de suite le caractère unique, le caractère novateur des robes de Madeleine Vionnet, et on voit tout de suite l'importance de la question de la technique et de la manière dont la robe a été pensée, façonnée autour du corps des femmes. Vous pourriez nous décrire par exemple une de ces robes? Ce qui incarne, ce qui caractérise le style Vionnet, c'est ce qu'on appelle le biais. Et il faut imaginer cette robe drapée qui enrobe, entoure le corps sans le marquer. Une robe très fluide, cousue, construite de telle sorte qu'elle ne contraint pas, donc ne contraint pas ni par le corset, ni par les coutures, ni par les attaches. Donc une robe plutôt fluide, un peu à la grecque. Le drapé à la grecque, c'est peut-être l'image qu'il faut retenir pour comprendre le style de Madeleine Vionnet. Et des matières aussi qui font rêver, enfin des noms, crêpes, Georgette, crêpe avenue du bois, crêpe de Chine. Oui, elle avait une vraie passion des tissus, et surtout elle aimait jouer avec les tissus et voir comment ils façonnaient le corps différemment en fonction de leurs caractéristiques et comment en fait chaque tissu donnait une apparence différente. Alors l'histoire que je vais raconter ce soir donc commence en 1912, Madeleine Vionnet, 36 ans, est première d'atelier chez Jacques Doucet, une grande maison de couture parisienne de l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire première d'atelier? Alors, première d'atelier, ça renvoie à l'idée de hiérarchisation dans une maison de couture. C'est vraiment, il faut s'imaginer la forme d'une pyramide. Bien sûr, on a le couturier à la pointe de la pyramide, et ensuite on a des premières vendeuses, deuxième vendeuse, on a l'essayeuse, la retoucheuse. Tout au fond, on a l'atelier, où dedans, on a plusieurs ouvrières, et la première d'atelier, c'est celle qui a le plus de responsabilités, et qui donne des ordres à la seconde d'atelier, qui elle-même encadre les petites mains, qu'on appelle aussi les midinettes. Madeleine Vionnet, j'imagine, a gravi tous les échelons, mais par quel chemin est-elle entrée dans la couture? Est-ce que c'est par vocation? Oui, alors elle a vraiment commencé, comme on dit, tout en bas de l'échelle. Elle vient d'un milieu populaire, dans le Jura. Elle monte à Paris avec son père et elle apprend la couture à 12 ans grâce à la femme d'un collaborateur de son père à Aubervilliers. Et ensuite, deux ans après, à 14 ans, elle devient apprentie chez le couturier Vincent à Paris. Donc là encore, elle a une nouvelle expérience, mais c'est vraiment un apprentissage sur le tas, directement dans la maison de couture. Ensuite, c'est plutôt des affaires personnelles qui vont un peu orienter sa carrière. Elle se marie en 1896, elle Elle a une fille qu'elle perd. Elle perd son enfant. Très petit. Elle se sépare de son mari, il ne supporte pas cette situation. Et elle part à Londres sous le prétexte d'apprendre l'anglais. Finalement, elle devient lingère, puis rejoint une maison de couture à Versaville Row, dans le quartier traditionnel de la mode anglaise. Et c'est là où elle va vraiment acquérir de nouvelles compétences, s'inspirer de la mode anglaise, des techniques anglaises, avant enfin de revenir à Paris en 1900 et d'entrer dans une maison tenues par les sœurs Callot, qui sont aussi oubliées, largement oubliées, mais qui ont été très importantes au début du siècle. On sent déjà une personnalité assez combative, qui, malgré les adversités, va de l'avant, assez aventurière aussi, parce que partir en Angleterre comme ça... Et puis, divorcer, partir seule, dans un pays étranger, en ayant divorcé, sans diplôme, c'est pas ce que fait tout le monde à l'époque, d'autant moins pour une femme qui doit quand même répondre à des codes, à des règles établies. Sophie Courtjean, je propose qu'on continue tout à l'heure de parler de Madeleine Vionnet avec vous. Tout de suite, Madeleine Vionnet ou la haute couture libre, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Sophie Haute-Picon. Il faut que je me calme. Ah, les vendeuses. Des harpies installées dans la maison comme des rats dans un fromage. Cette manière d'enlacer les clientes par la taille. Ce despotisme insupportable avec tout le monde. Ouvrières, premières. Comment ont-elles osé m'humilier devant le personnel? Me menacer de ne pas présenter ma robe aux clientes? Je ne me laisserai pas faire. J'en ai assez de ces histoires. À chaque fois que je lance une nouveauté, c'est pareil. Quand j'ai retiré le corset sous les robes, quand j'ai fait défiler les mannequins pieds nus, quand je leur ai demandé de retirer cet horrible maillot de jersey qu'elles portaient sous leurs robes pour dissimuler leur peau, tout le temps un tollé. Et puis au bout du compte, les clientes accourent, la concurrence nous imite, et on n'en parle plus. Et avec ma robe droite en foulard, il en sera de même. Ah, tout ça me vexe. Il faut que je parle au patron. Paris, 2 février 1912. Madeleine Vionnet se tient à la fenêtre, au deuxième étage de l'immeuble où siège la maison Jacques Doucet. De petite taille, silhouette menue, cheveux au carré, des yeux gris clair au regard intense, elle est à 36 ans première d'atelier. Elle conçoit les modèles que les ouvrières réalisent. Jacques Doucet l'a engagée il y a 6 ans, lui promettant de lui laisser toute liberté de créer. Et elle a relancé le succès de la prestigieuse maison de haute couture. Madeleine Vionnet est une moderniste. Mais ses innovations, qui font merveille sur la clientèle, ne sont pas appréciées par tout le monde. En ce mois de février, commence la présentation des modèles de la nouvelle collection été. Il y a de la tension dans l'air. Devant l'immeuble du 21 rue de la Paix, à deux pas de l'Opéra, le va-et-vient des voitures de luxe est incessant. D'un pas décidé, Madeleine Vionnet se dirige vers le bureau de Jacques Doucet. Ah, Madame Madeleine, une cliente a commandé la robe en foulard. C'est l'essayage et je capitule. La tunique, la jupe, ce foulard rayé, ce foulard blanc, fluide comme de l'eau. Oh, je sais pas comment l'attraper. Ah non, pas vous, Léonie. Pas vous aussi. Je vous croyais de mon côté. Vous êtes la seule vendeuse qui me défende. Oui, mais là, il faut que vous veniez. Non, là, je suis pressée. Vous l'avez pas vue, la cliente, devant la glace. Est-ce que j'ai fait le bon choix? La robe était si séduisante sur le mannequin. Moi, je vous ai toujours défendue. Et d'ailleurs, j'ai présenté votre robe à ma cliente. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce que vous dites? C'était pendant le défilé. Quand le mannequin est arrivé avec votre robe en foulard, la vendeuse a chuchoté à la cliente. Je vous demande pardon, madame. Celle-là, nous n'en parlerons pas. Et hop, elle est passée à la suivante. Les vendeuses dénigrent mes modèles devant les clientes? Bien. Attendez. Allez voir au salon d'essayage. Ma cliente, c'est Liane de Pougy. Si elle achète votre robe, le tout Paris va se précipiter. Chez le couturier Doucet se pressent surtout des actrices, comme Réjeanne et Sarah Bernard, et des demi-mondaines, notamment les trois vedettes des Folies Bergères, celles qu'on appelle les Trois Grâces. La belle Otero, Émilienne d'Alençon et Liane de Pougy. Blonde, fille d'un officier de cavalerie, cette courtisane célèbre est à 43 ans à la tête d'une immense fortune. Ses amours lesbiennes avec la riche américaine Nathalie Clifford Barney ont fait scandale. Elle vient d'épouser le prince Ghica du royaume de Roumanie. Madeleine Vionnet, elle, est la discrétion même, toujours habillée sévèrement de brun et de gris. Mais elle apprécie cette jeune femme rieuse qui arrive toujours en grand équipage, sept rangs de perles au cou. Ah, Madeleine, tu ne me croiras pas, Léonie m'appelle Votre Altesse. Elle tire ses manières droites du grand siècle. En tout cas, elle connaît son Gotha par cœur. Et elle vient de me raconter une chose incroyable. Quoi ? Cécile Sorel a lâché Jacques Doucet pour Paul Poiret. Oh, oui. L'élégance pour la frivolité. Bon, enfin, à travers les plumes de Poiret, on reconnaîtra bien l'autruche. Madeleine, cette robe me plaît. Oh, c'est un honneur, madame. Heureuse de vous voir. Je vous croyais définitivement installée en Algérie. Moi aussi. Et d'un coup, le spleen. Même le soleil me faisait horreur, imagine-toi. Georges m'a offert ce chien. Mmh. Ça n'a pas suffi. Nous avons quitté notre palais le cœur serré, mais comment faire ? Ma première visite parisienne est pour toi. Et cette robe en foulard est une merveille. Merci. Merci, madame. Du fond du cœur. Tu es une artiste, Madeleine. Cette robe le prouve encore. Vous permettez ? Il faut juste la remonter aux épaules. Vous la posez sur vous en tirant légèrement dans le dos. Voilà. Mais si vous voulez qu'on la défasse... Non. Mais oui, tout le chic est là. Je vais faufiler l'ourlet. Un instant. Tu as l'air préoccupée, Madeleine. Les bandeuses te font encore des misères. Je ne sais plus ce que je dois faire. Pourquoi tu restes ? C'est idiot. Fais comme Poiret. Je l'ai connu à ta place. Les vendeuses faisaient pareil avec ces modèles, tu peux me croire. Ouvre ta propre maison. Geneviève, ma grande amie, cette merveilleuse actrice, juste avant son tragique accident. Elle m'avait dit qu'elle t'avait donné un contact, un banquier, je crois. Voilà, j'ai fini. Vous pouvez la retirer. Oui, Geneviève voulait m'aider, mais elle n'en a pas eu le temps. Cette histoire d'accident de yacht, shocking. On l'a jeté par-dessus bord, oui. Son mari, qui sait. Oh, quelle corvée, le mariage. Ma belle-mère avait décidé d'ignorer le mariage de son fils avec cette créature, moi. Et voilà qu'elle nous invite en Roumanie, tu le crois? Tu es mariée? Non, tu es entrée en couture, comme on entre au couvent. Ah, je l'ai été. À 17 ans, un an après, j'ai divorcé. Moi aussi, à 17 ans. Mariée avec un officier de marine. J'avais un amant. Ah bon? Il l'a découvert et il m'a tiré dessus. Oh! Avec un pistolet. Regarde la cicatrice là, juste au bas du dos. Oh. Toi, comment ça s'est fini? Oh, je ne supportais pas d'être mariée. Je suis partie à Londres. Toute seule, comme ça? Avec 300 francs en poche. J'ai répondu à une annonce du Morning Post et j'ai été embauchée chez Kate Riley, sur Dover Street, dans le quartier huppé de Mayfair. Vous voyez? Elle faisait des copies de modèles haute couture française. C'est comme ça que j'ai appris le métier. J'avais 20 ans, tout m'est venu. Tu as du cran, Madeleine, tout quitter comme ça. Il vaut mieux partir si on sent qu'on ne se réalise pas, non? C'est le plus important, se réaliser. Oui. Au revoir, Madeleine. Je compte sur toi. Il me faut la robe demain, sans faute. Sans faute, madame. Au revoir. Travailler toute seule, sans être obligée de faire la guerre jour et nuit. Embaucher des ouvrières, des vendeuses qui aimeraient mon travail. J'ai pas d'argent. Personne pour... Je vais parler à Doucet. Il faut qu'il tranche. Qu'il me donne raison contre les vendeuses. Lui, on ne le contrarie pas. Depuis 1840, la maison Doucet faisait commerce de chemiseries de luxe. Jacques Doucet, en l'héritant de sa mère, en a fait une maison de haute couture. Il est aussi collectionneur, passionné par l'art du XVIIIe siècle, Fragonard, Watteau, Vigée Lebrun, mais aussi par les meubles et les objets. Cette année 1912 est pour lui un tournant. Il a décidé de vendre son immense collection. C'est la vente du siècle à Drouot, 13 millions de francs qu'il va consacrer à une nouvelle collection d'art contemporain cette fois. Dans sa maison de couture, Jacques Doucet dessine et choisit tous les modèles. pour la réalisation, il s'en remet à Madeleine, qu'il a placée au sommet de la hiérarchie. Elle a toute sa confiance. Madeleine, depuis 6 ans, vous veillez à la bonne marche de la maison. Chaque jour, vous êtes la première arrivée et la dernière partie, à faire le tour des ateliers pour éteindre les lumières. Je suis une maniaque de l'ordre, monsieur. Je vous avais dit de faire une jeune maison dans la vieille maison Doucet. Je vous ai mise là-dedans comme on jette un chien à l'eau pour lui apprendre à nager. Et résultat, vous vous débrouillez très bien. Cette robe en foulard est totalement moderne. Je vous remercie, monsieur. Je suis soulagée. Si vous pouviez... Madeleine, j'apprécie beaucoup votre travail. Vos modèles ont quelque chose de cubiste. Cette robe a beaucoup de chic, Madeleine. Mais les vendeuses n'en veulent pas. Je veux bien avoir tous les embêtements possibles avec les clientes, mais avec les vendeuses. Elles travaillent dans la même maison que moi. Écoutez, elles sont venues me voir affolées en disant qu'avec votre robe, une femme a l'air d'avoir la chemise qui dépasse. D'après elles, on ne peut pas montrer ça dans ma maison. Dites-leur quelque chose. Vous, elles vont vous écouter. Elles m'ont demandé de la retirer de la collection. Et vous avez refusé. Vous êtes venu me chercher chez les sœurs Callot. Je vous ai pris au mot. J'ai cru que vous m'aviez offert ce que j'espérais, créer mes modèles en toute liberté. Je refuse de la retirer de la collection. Chez Callot, vous gagnez quoi? 5 000 francs par an? Chez moi, 40 000, plus un pourcentage sur les ventes de mes modèles. Madeleine, je double votre fixe. Non, je refuse. Allez, je vous fais un pont d'or. Acceptez, retirez-la et n'en parlons plus. Puisque c'est ça, je veux bien la retirer. Mais je me retire avec. Madeleine. Maintenant j'y suis. Ma petite affaire. La maison Madeleine Vionnet. Même si je vis un peu serrée pour l'instant. Mais ça me va. Je suis indépendante. De deux choses l'une. Ou ça marche, ou je pars en Amérique. J'ai des mains. Ça, on ne peut pas me le retirer. Après toutes ces années, mes mains savent tout faire. Du dessin à l'ourlet. Mousseline, satin, soie, tout leur obéit. Parfois même, elles me précèdent. Elles pensent. L'idée d'une robe est mentale. Je la construis, je la rêve. Rigueur, légèreté, liberté de mouvement. Et au centre, le mystère du corps. Tout est une question de coupe, mais aussi de comptabilité. Ces soucis-là, je les avais pas avant. Une maison, c'est une responsabilité. Est-ce que ma première collection va marcher? Est-ce que je pourrai payer tout le monde? On verra bien. Juillet 1912. Madeleine Vionnet termine sa première collection hiver 1912-1913. Chez Doucet, elle bénéficiait d'un pourcentage sur les ventes de ses modèles et grâce à ce capital, elle a pu ouvrir sa maison de couture au premier étage du 222 rue de Rivoli, face au jardin des Tuileries. Madeleine est assise devant un tabouret où est posé un mannequin en bois de palissandre verni, de 80 cm de haut, comme en utilisent les peintres et les sculpteurs pour étudier les mouvements. Sur cette poupée aux membres articulés, elle construit des ébauches miniatures de ses modèles à l'aide de morceaux de coton blanc qu'elle ajuste avec des épingles. Une manière bien à elle de travailler qui lui permet de visualiser le tombé du tissu et l'harmonie des proportions directement sur l'anatomie du corps. Oui. Entre. Comment tu t'appelles? Lisette, madame. Je viens pour la place d'Orpette. Ah. Oh, y a déjà une Lisette à l'atelier. Et chez les sœurs Callot, on m'appelait Fred. Comme ça, tu étais chez Callot? Oui. Quelle belle maison, hein? L'école de la magnificence. La dentelle de Bruges d'une délicatesse. Oh, les brocarts somptueux. De l'orfèvrerie. J'avais passé l'entretien avec Regina. Pour elle, je faisais pas l'affaire. C'est l'aînée, Marie, qui m'a fait entrer comme première. À la tête de 20 ouvrières. Sans elle, j'aurais fait des Ford. Elle m'a appris à faire des Rolls-Royce. Et avant, t'étais où? Dans un atelier à Belleville. Je faisais que porter les paquets toute la journée. Si j'avais pas fait couturière, pour sûr, hein, j'aurais pu faire chauffeur de taxi. Ici, c'est pas comme ça. Tu vas apprendre le métier pour devenir petite main, puis ouvrière et peut-être première. Ah, alors vous me prenez? Ah ben non, non, non. D'abord, tu me dis un peu ce que tu sais faire. Je sais surfiler les coutures, les ourlets roulotés ou repliés à l'ongle, en coudre les boutons. Ça, j'arrive assez bien à poser mon point exactement où je décide. C'est bien. Ici, on travaille le crêpe. Le crêpe? Tu vois ces rouleaux? Ça. Ça, c'est du crêpe de Chine. Mmh. Et là, ça, c'est du georgette. Il y a du marocain, de l'indien, cloqué, bulé. Ça, c'est du gaufré. Mais le crêpe, c'est pour les doublures. Et qui a décidé ça? Oui. Le crêpe, ça tombe bien. Ça se froisse pas. Fred, le plus important, c'est de maîtriser le tissu. Pour ça, tu dois travailler toujours avec les trois sens de l'étoffe. La lisière, le travers et le biais. Le biais. Non, mais tu sais ce que c'est, le biais? Ah oui, c'est quand on prend le tissu dans sa diagonale. Et qu'est-ce que ça donne? Regarde. Dans le biais, le tissu a toute sa souplesse. Il moule le corps. Une seconde peau, tu comprends? Oui. C'est exactement ce qu'on cherche. La beauté, tout est là. Et si je comprends bien, dans le biais, le tissu, il est élastique, il glisse sous l'aiguille. Eh ben, pour les ourlets, ça doit pas être commode. Mais je m'y collerai de tout mon cœur si vous m'embauchez. Tu comprends vite. Ben, vous êtes une bonne institutrice. Ah, c'est ce que je voulais faire, tu sais. La couture, c'est venu par hasard. J'étais première en tout. Le certificat d'études, je l'ai eu à 10 ans au lieu de 12. Oh, waouh. À Pâques, j'allais passer le brevet. L'institutrice m'avait obtenu une bourse. Mais mon père a dit que je devais entrer en apprentissage dans la couture. Oh là là, ça, j'ai tellement regretté l'école. Je pleurais comme une madeleine. Une madeleine. Et maintenant, les robes vous sortent des mains comme un boulanger les petits pains. Alors, je suis prise? À l'essai. T'as vu l'atelier? Oh, ça oui, madame. Oh, il y a des chaises. C'est pas des tabourets. C'est le Ritz, ici. Je suis prise, alors? Oui. Bon, allez, j'ai du travail. Va, elles te feront une place. Merci, madame. Quelle chaleur. Madame Madeleine, vous avez encore embauché une arpette. On en a besoin avec tout le travail qu'on a pour la collection. Tiens, Léonie, note. Il faut rentrer des échantillons de velours. Il faudrait un beau rouge lumineux, sincère. Un rouge... coque de roche, oui. Et du bleu. Et du vert d'eau. Je dois vous dire, le fournisseur fait des manières. Il faut bien proposer le manteau de ville en plusieurs couleurs. Il veut être payé et moi je dois dire, je me demande si j'ai bien fait de quitter Doucet. Léonie, tu vas pas me lâcher maintenant? Au moins, acceptez de vendre vos modèles. Cet acheteur américain qui vous harcèle pour vous faire un contrat. Avec une commission sur chaque pièce. Je ne vends pas mes modèles. Alors on n'a qu'à faire des modèles pour la confection pour les grands magasins. Léonie, non mais tu nous vois habiller des femmes comme ça, dans l'abstrait. Il y a autant de modes qu'il y a de femmes. Et chaque femme a sa beauté. Les caisses sont vides et vous vous obstinez. Je vais faire à ma manière. La première d'atelier, celle qui t'a donné ses dessins, je veux la voir tout de suite. Elle attend dans le couloir. Fais-la entrer. Tout de suite, madame. Marcel, tu peux y aller, elle t'attend. Entrez. Mais vous n'êtes pas la première d'atelier. Désolée, mais j'ai pas de temps à perdre. Attendez. Vous avez demandé aux premières de dessiner des modèles. Et comme j'ai vu que personne ne voulait le faire, je me suis dit... Je dessine depuis longtemps. Ces dessins-là, c'est moi qui les ai faits. Comment ça? C'est vous? Et vous êtes? Marcel Chaumont. Je suis seconde main, madame. Ah, je trouve très bien vos dessins. Je prends. Vous quittez les ateliers, vous serez ma collaboratrice. Ça vous va? Je vous remercie. La première collection Vionnet est un succès. 2 ans plus tard, pour faire face à l'afflux des commandes, Madeleine doit louer des appartements dans le quartier pour y installer des ouvrières. Elle fonctionne avec 3 ateliers. L'atelier du flou, qui travaille les tissus légers, l'atelier tailleur, consacré aux étoffes lourdes des manteaux et des capes, et l'atelier dit des chichis, pour les ornements. Au rococo de l'art nouveau, rocailles et colifichets, aux jupes culottes extravagantes orange et violet d'un Paul Poiret, Madeleine Vionnet préfère les purs. Elle propose une nouvelle image de la femme, sensible, digne, sculpturale. Dans le salon d'essayage aux meubles art déco, l'attend Liane de Pougy. Mais ce 3 août 1914, l'Allemagne vient de déclarer la guerre à la France. On enlève le collier. Mon fils vient d'arriver à Paris. Il est venu avec son avion ? Oh, ne m'en parle pas. Depuis qu'il a traversé la Manche, c'est une vedette. Il est même allé jusqu'à Colombo, Calcutta, Saigon. Des raids, comme il dit. La gloire, quoi. Madeleine, il a décidé de s'engager. Ben, on le comprend. Jeune comme il est, il ne veut pas rester sans rien faire contre les Allemands. C'est exactement ce qu'il dit. Je suis morte d'inquiétude. Bon, ma robe est prête ? Oui, hein, oui. Alors, voyons cette robe blanche drapée à la grecque. Je vais vous habiller moi-même. Tu ne le croiras pas, Madeleine ? Tout Paris dit que c'est Poiret qui a ôté le corset en premier. C'est faux, c'est toi ! Oh, laissons dire, je voulais pas de corset pour moi, alors j'ai tout mis en l'air. Si tout le monde le fait, tant mieux. Oh, ça oui ! Ça nous cambrait les reins, nous serrait à s'en étouffer. Tout ça pour plaire aux hommes. Terminé, hein ? Tout le plaisir est pour nous maintenant. Madeleine, c'est sur le front du plaisir, je crois, que se gagnent les révolutions. Oh, j'adore cette encolure bénitier et le décolleté profond dans le dos. Pas du tout ce que tu faisais chez Doucet, le tombé antique. J'en rêvais depuis longtemps, une robe intemporelle. En fait, Liane, je suis une ennemie de la mode, du caprice saisonnier. Et puis la Grèce, oh, c'est ma passion. Demandez à Léonie, je passe tout mon temps libre au Louvre. Elle vous va magnifiquement. Oh, c'est étonnant comme le tissu se met en place sur moi avec naturel. Je ne sens même pas les coutures. Il n'y en a presque pas. Un lien noué autour de la taille, une attache aux épaules, tout simple. J'ai envie de danser. On dirait la robe d'Isadora Duncan. Tu l'as déjà vue sur scène ? Oui. À Londres, libre dans ses voiles, pieds nus, son sourire un peu abandonné, sa joie de danser. D'ailleurs, en la voyant, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire. Des robes pour habiller l'audace d'une femme libre. Oh, elle est parfaite, cette robe. Avec ça, celles qui restent encore chez Doucet vont le lâcher illico. Enfin, tu n'as pas besoin de ça. Ta maison a une excellente réputation. Oui, tout va bien. Si la guerre ne vient pas tout saccager. Même au Félix Potin, avec le rationnement, la douzaine 2 est à 4,20 francs. Elle était à 2,40 francs la semaine dernière. Enfin, j'ai déjà de la chance d'en avoir trouvé. Cette femme qui passe est très élégante. Je suis sûre que son petit tailleur Bordeaux, elle l'a cousu elle-même. Il faudrait faire quelques retouches, donner plus de carrure. L'épaule est un peu triste. Une pince, peut-être. Et son bandeau vert n'est pas mal. Elle a du goût. Le goût, c'est faire la différence entre ce qui est beau et ce qui est spectaculaire. Ça se transmet de mère en fille. Ma mère, elle, ne m'a rien appris. Faut croire qu'il y a des gens pour qui c'est inné. Ah là là, ma tête est une véritable boîte à ouvrage. Je ne peux pas m'empêcher de rhabiller les gens que je croise dans la rue. J'ai tellement hâte. 3 ans déjà que j'ai fermé la maison. Qui songe à la mode au milieu des ruines et du deuil ? Madeleine Vionnet a fermé sa maison de couture dès le début de la guerre en 1914. La clientèle a fui Paris. Gabrielle Chanel, qui était modiste, a ouvert sa première maison de couture à Biarritz, où elle présente ses tenues matelots en jersey beige à rayures. Jacques Doucet a gardé sa maison ouverte, mais il s'occupe d'un projet de bibliothèque littéraire, un fonds de manuscrits et de livres rares qu'il lèguera plus tard à l'Université de Paris. Depuis 1910, de plus en plus de maisons de couture sont dirigées par des femmes. À la fin de la guerre, la chambre syndicale de la haute couture sera même présidée pour la première fois par une femme, Jeanne Paquin. 15 mai 1917. Arrivée devant le 222 rue de Rivoli, Madeleine Vionnet croise une jeune femme. On aura la semaine anglaise. On s'en fout. On aura les 20 sous. Ouais, monsieur, c'est une grève. Fred, Oh, Madame Madeleine! Oh, c'est drôle, oh. On se rencontre juste devant votre maison de couture. Je fais la grève. Ben oui, je vois ça. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, quand vous avez fermé, je suis entrée chez Godillot, à Saint-Ouen. Oh, les uniformes militaires. Ma pauvre Fred. Ah, j'en ai cousu des kilomètres de bleu horizon. Des fois, je savais même pas si c'était une manche ou un plastron que je piquais. Et le bruit! Des scies coupeuses! Et sale avec ça! Des chiffons graisseux partout! Ah, c'est scinter les yeux sous le mauvais éclairage quand le fil cassait! Alors, quand on m'a dit qu'il y avait une place chez Jenny, bah, j'ai foncé. C'est toujours fermé chez vous? Oui. Ah. Mais Marcel et les ouvrières, elles voulaient toutes reprendre le travail. Moi, je voulais pas, mais elles m'ont forcé la main. C'est vraiment pour rendre service. Ah, comment ça? Vous n'êtes pas fermé? La maison est fermée. Ah oui? Elle travaille directement avec les clientes. Ah, si je les comprends. Chez vous, c'est pas de la couture qu'on fait, c'est de la poésie. Oh, Fred, tu es gentil. Va, la guerre finira, ça reviendra. Allez, viens. Elles vont être contentes de te voir. Ah, ben moi aussi. En ce printemps 1917, gris et froid, les trains à la gare de l'Est déversent des permissionnaires hagards, fantassins, artilleurs et officiers qui s'étonnent des lumières, des taxis, des restaurants de la capitale et des manifestations. Le 15 mai, les 250 couturières de la maison Jenny sur les Champs-Élysées se sont mises en grève quand elles ont appris qu'elles seraient désormais au chômage technique le samedi après-midi par manque de commandes. Le lendemain, elles sont 10 000 rassemblées à la Bourse du Travail. Les midinettes de la couture ont entraîné les employés de banque et les vendeuses de la Belle Jardinière, les bijoutières, les dactylographes et même les ouvrières d'une usine de lampes à Issy-les-Moulineaux. C'est le premier mouvement social engagé par des femmes. Il donne le signal. La grève s'étend aux ouvriers de l'armement et de la métallurgie qui fabriquent les obus et les chars pour l'armée. Depuis 3 ans, malgré la fermeture, Madeleine Vionnet n'a cessé de concevoir des modèles, d'expérimenter de nouvelles idées qu'elle compte réaliser quand la guerre s'achèvera. Je vais numéroter mes dessins, je ne m'y retrouve plus. Manteau de velours de laine bleue, numéro 16. Le même en noir doublé de vigogne blanche, 17. La blouse en drill de coton blanc à pois violet, 19. Non, 18. Robe jaquette de lainage beige. Marcel, vous partez? Oui, je vous l'avais dit. Mon frère, il arrive gare de l'Est. Ah, mais oui, ne vous inquiétez pas, oui. Il a été gazé. Les poumons, les yeux, c'est ce qu'il m'a écrit. Allez, allez, partez, vous allez vous mettre en retard. Bonjour, mon petit. Madame de Fougy. Madeleine est là? Oui, oui, bien sûr, elle est là. Oh, Madeleine, quelle chance, vous êtes là. Qu'est-ce que vous brodez? On dirait des roses. Oh, rien. Des petits essais, des roses de satin enroulées. Je crée pour moi-même en attendant. Ma chère, j'ai su votre malheur. Cette guerre exécrable, folle. La vie était trop belle avant. Ça ne pouvait pas durer. Un jour, le téléphone a sonné, j'ai décroché. Mort, pauvre gosse, c'est tout ce que j'ai pu dire. Il faisait un vol de reconnaissance au-dessus des lignes ennemies dans la Somme. Son avion s'est écrasé. 27 ans, mon fils, mon unique enfant, tombé au champ d'honneur le 2 décembre 1914. Tu n'as pas d'enfant, toi? J'ai eu une fille, Jeanne. Je l'ai perdue quand elle avait 9 mois. Je l'avais mise en nourrice, dans le Doubs. Je travaillais à Paris. Ma petite fille. Ça a été une chose terrible. Comme une chute. Alors tu comprends, Madeleine. Tu comprends ce qui a failli me tuer. Cette douleur, en perdre la raison. Mm. Je veux que tu me fasses une robe de deuil. Mais la maison est fermée, je n'ai pas de tissu et... Madeleine, s'il te plaît. Là. Ce satin noir. Oui, oui, pourquoi pas. Mais pour le modèle, il y a peut-être quelque chose dans mes dessins. Celle-ci. Je viens de la dessiner. Les manches longues. Des roses de velours noir sur la jupe. Simple et belle. Tu l'avais dessinée pour moi sans le savoir, Madeleine. Et je vais prendre vos mesures. Ah, 28. 6. J'ai maigri. J'ai passé 15 mois en maison de santé. À la fin, je pesais 42 kilos. Oh, ma chère, que de malheur. Cette interminable boucherie. Je ne quitterai le deuil de Marco que le jour où la France triomphera de ces infâmes barbares. La robe sera prête dans une semaine. Ça ira? Merci, Madeleine. Je t'envie presque. Ton art, ta passion, ça doit consoler de tout. Appelle-moi pour l'essayage. Nous logeons au Majestic. Comptez sur moi, Liane. La guerre a endeuillé presque toutes les familles françaises. Mais au printemps 1918, malgré les bombardements sur la capitale et le rationnement, Madeleine Vionnet décide de rouvrir la maison. C'est dans la fébrilité que toute l'équipe travaille à la collection d'été, ce 17 avril 1918, veille de la réouverture. Fred, avance mon petit vieux, on va pas y arriver. Je te rappelle qu'on ouvre demain. Et après le tailleur, c'est le manteau de printemps qui t'attend. Le rouge avec la capeline très ample. Léonie, c'est Madame Madeleine qui a tout démonté au dernier moment. Et hop le haut, et hop les manches. Ah, qu'est-ce que j'aime la regarder travailler. Ajuster, plier, froncer, nouer. Ses idées passent directement dans ses doigts. Quand on a fermé en 14, j'ai bien cru que je la reverrais jamais. Et n'empêche, on a bien rigolé pendant la grève. Oh, toi avec ta grève. Pendant ce temps-là, ton ourlet, il plonge à droite. Tu sais, chez Jenny, les aiguilles, elles étaient même pas fournies. J'étais obligée de faire des heures le soir chez moi, pour les bourgeoises. Les modèles du petit écho de la mode, d'un moche. Enfin, demain, on rouvre. Je sais pas ce que ça va donner. Les éplats ont encore bombardé. Au métro Bolivar. Il paraît que les Allemands sont plus très loin de Paris. Rouvrir au milieu de tout ça? J'y connais rien, Léonie. C'est les bombardiers gotagés, c'est pas les éplats. Mon frère me l'a dit. Il est très patriotique, lui. Tu vas arrêter de bavarder à tort et à travers? C'est ça que tu vas leur montrer aux clientes demain? Tu crois qu'elles seront comment, les clientes? Ouh, il faut que je fasse mon relevé pour rectifier mon col, moi. Ah, ça oui, j'ai le trac. Et moi donc? Et la comtesse, tu crois qu'elle va venir? Elle est du genre chère, mal polie, tout en bijoutée, et elle me crie dessus. Elle a peut-être changé. Après une guerre, on change. Fred! C'est Madame Marcel qui m'appelle, non? Fred! J'y vais. Oui, bien sûr. Ce tailleur de velours bronze, là, quelque chose ne va pas du côté du col. Faut que je le revoie. Marcel! Madame Madeleine, c'est Madame Ilance au téléphone. Elle voudrait la robe qu'elle portait en 1913 à la première du Sacre du Printemps, au ballet russe. Mais c'était laquelle, déjà? La rose avec les volants, non? Oh, dites-lui qu'on s'en occupe. Oui. Quelqu'un peut aller me chercher la robe noire qu'on a travaillée hier? J'y vais, madame. Et le tailleur bronze, il est prêt? Il est prêt, je m'en occupe. Marcel! Marcel, c'est pas à vous de répondre au téléphone, j'ai besoin de vous ici. Je sais, mais il y a les mannequins qui vont arriver. Je voudrais revoir un de vos modèles, la bleue en satin avec la dentelle blanche au col. Fred! Ça fait deux fois que je l'appelle. À ce train-là, on sera jamais prête pour demain. J'étais partie chercher les robes. Tenez, les voilà. Marcel, vous me faites des apostrophes, nous méritez. Je le sais bien qu'on est en retard. Je vais commencer par la robe noire, Marcel. Montrez. Je trouve que c'était mieux hier. Ouais. Mais si on passe ici, on retrouve l'effet qu'on avait, non? Je peux l'emporter à l'atelier? Attendez. Ça tire un peu, non? Là. Ça remonte. Il faut peut-être réduire la mousseline sur la manche. Donnez-moi vos ciseaux. Maintenant, c'est bien, non? Hein, Marcel? Elle est bien. Oh, mais il reste tellement à faire. Emportez-la. Attendez, non, il me semble que dans le dos... Oh, passez-moi les épingles. Oh. Ah ben voilà, gagné. J'ai plus qu'à ramasser. Je vais vous aider. Sinon, on a tout vu? Il reste juste la robe en mousseline plissée, avec le double jeu de bretelles dans le dos. Va, Marcel. Oh. Je fais la brave, mais je serai bien soulagée demain soir. Oui. Madeleine Vionnet est loin d'imaginer ce qui l'attend. Une véritable explosion. le succès sera tel que 5 ans plus tard, elle quittera le 2e étage de la rue de Rivoli pour s'installer avenue Montaigne. 6 étages, 21 ateliers, 1200 employés. Elle sera désormais une chef d'entreprise à la pointe du progrès social. À l'arrière de l'immeuble, elle fera construire un nouveau bâtiment où seront aménagés pour le personnel un cabinet médical, une bibliothèque, des salles pour les cours d'arithmétique et de français et même une garderie pour les enfants. Mais ce 17 avril 1918, c'est dans l'incertitude que la maison Vionnet rouvre ses portes. 6 ans que j'ai claqué la porte de chez Doucet. 6 ans pour construire cette maison. Les lignes simples aux couleurs sincères. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Cette guerre a peut-être tout changé. Lutter, c'est passionnant. Et par chance, je suis née énergique. Un jour, mon style aura fait son temps. C'est la règle inexorable et logique. Une ouvrière, une première, claquera la porte pour s'en aller créer la mode de demain. Peut-être même qu'elle est ici, chez moi, et que je n'en sais rien. C'est pour ça que je regarde avec attention ce qu'elle me propose. Il m'arrive de laisser faire des robes en me disant « C'est peut-être elle ». Madeleine Vionnet ou la haute couture libre de Christine Spianti avec Madeleine Vionnet, Céline Mia Baumgartner, Liane de Pougy Armel, Léonie Maude Forget, Jacques Doucet Jean-Luc Vincent, Marcel Chaumont Chloé Chevalier, Fred Alizé Soudet, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Marie Le Peintre et Pierre Henry, assistante à la réalisation Claire Chéneau, réalisation Sophie Haute-Picon. On emporte l'histoire sur France Inter. On continue de parler de Madeleine Vionnet dans quelques minutes avec mon invitée Sophie Courtian. Then you did something wrong. You said it was great, and now you don't know how you could have. The Strokes, The Adults Are Talking sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Anne Weinfeld, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Mathias Alléon. Sophie Courgian, nous venons de quitter Madeleine Vionnet en 1918, au moment de la réouverture de sa maison. C'est justement après la guerre que la créatrice va connaître ses années les plus fastes. Oui, en effet, elle va connaître une période assez riche et elle s'inscrit dans ce qu'on considère être le premier âge d'or de la couture. Et si elle connaît une époque très importante de production, et on l'a entendu, en 1925, elle a jusqu'à 1200 ouvrières dans à peu près 25 ou 28 ateliers, ce qui est quand même considérable. On voit vraiment qu'elle a atteint ce statut presque de femme d'affaires. Elle est un petit peu oubliée par rapport aussi à Gabrielle Chanel, qui à la même époque, pendant la même période, connaît une ascension qu'on continue de découvrir à travers des expositions aujourd'hui. Mais en effet, Madeleine Vionnet va pouvoir... dans sa maison, comme elle le voulait depuis toujours, exprimer son style et surtout sa propre vision du corps et de la mode. Sophie Courgian, je vous propose d'écouter la voix justement de Madeleine Vionnet. Elle est interviewée en 1964. Madame Vionnet, nous l'avons rencontrée chez elle dans un décor 1925 et elle a bien voulu évoquer pour nous quelques souvenirs. Elle a toujours aimé travailler les tissus très souples, crêpes de Chine, crêpes Georgette. Et c'est encore ceux-là que je préfère. Le crêpe romain, le crêpe georgette, la mousseline, enfin des tissus souples. C'était la grande époque du crêpe georgette. Ah oui, et du crêpe romain, et c'est moi qui l'ai fait faire. Est-ce que vous avez habillé des actrices qui ont eu l'horreur de célébrité? J'avais la pauvre Sorel, mais pas chez... là aussi je l'ai eue chez Doucet, elle m'a suivie chez moi. Et elle portait bien les robes de style. Puis elle avait un culot monstre. Madeleine Vionnet, donc interviewée en 1964, elle a 89 ans, elle a une voix assez étonnante. Elle habite alors dans un appartement, comme le dit les journalistes, 1925. Je crois qu'elle s'intéressait beaucoup à l'architecture et au design aussi, Madeleine Vionnet. Oui, et en fait, je pense que ça fait directement écho à la manière dont elle considère la mode et le vêtement. C'est vrai que c'est presque une architecte du vêtement. Elle pense la conception, la technique sous-jacente et elle voit comment le tissu façonne le corps. Et en effet, elle a contribué à décorer les galeries Lafayette, elle a travaillé avec Georges Defeur. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la mode, aux vêtements, mais aussi à l'aménagement, aux meubles, à la décoration. Comme c'était le cas déjà, enfin, à l'époque pour aussi d'autres couturiers. Donc, vous l'avez dit, Madeleine Vionnet, bien sûr, révolutionne la mode, mais c'est un mot qu'elle n'aime pas. Par contre, elle dit qu'elle fait. Elle fait pas de la mode, elle fait pas de la mode. Elle crée un style intemporel. Voilà, et qu'elle recherche l'harmonie, qu'elle s'interroge sur l'harmonie des proportions. Et elle le dit que, enfin, quand on l'écoute, elle parle souvent de coupe, de technique, mais rarement de mode, encore moins de tendance ou de caprice de la mode. Oui, mais en même temps, quand on regarde ces robes, c'est quand même tellement lié à une époque, malgré tout. Oui, parce que... C'est le style des années 20, des années 30. C'est ça, elle s'adresse aussi à la femme qui, après la Première Guerre mondiale, connaît une certaine libération, voilà, une redécouverte de son corps. Donc la robe va accompagner le mouvement. C'est aussi, vous avez l'essor de la danse, du jazz, les femmes conduisent plus, font plus de sport. Donc en effet, ça reflète aussi cette reconquête du corps, du mouvement. Donc en effet, elle ne suit pas la mode, mais... Elle est dans l'air du temps. Et ce qu'elle fait contribue indéniablement à la mode de l'époque. Et ces robes, donc, qui sont évidemment dessinées pour des femmes extrêmement riches, enfin voilà, c'est pas des femmes de la rue. Est-ce que malgré tout, cette mode est descendue dans la rue? Alors, oui, et d'ailleurs, dans l'extrait de la fiction, on entend Fred parler du petit écho de la mode, et ces journaux-là, qui s'adressaient aux classes populaires, reproduisaient les modèles des grands couturiers, et bien sûr... Ce sont les couturières qui reproduisent à la demande des clientes... Oui, pour celles qui ont les moyens, ou sinon c'est les femmes elles-mêmes qui s'achètent le journal et qui elles-mêmes utilisent le patron pour faire leur propre robe. Et ça, ce genre de copie, Madeleine Vionnet l'accepte? Oui, ce qui est assez paradoxal. Parce qu'elle est assez rigide, enfin, on la comprend d'ailleurs, en effet, sur le copyright. Elle met en place cette griffe où elle met son empreinte digitale, elle inscrit son empreinte digitale. Ça, c'est extraordinaire. Encore aujourd'hui, on voit ces griffes, c'est vrai, en tissu, on voit l'empreinte de Madeleine Vionnet. Son pouce. Ah, ouais. Et avec un numéro de série. Alors, on sait que ça avait peu de portée, parce que bon, tout le monde pouvait mettre son empreinte. Mais en tout cas, c'est vraiment une avancée importante. Et donc, pour autant, elle interdit les copies, elle s'intéresse beaucoup à cette question. Oui, c'est elle qui invente la propriété intellectuelle d'un vêtement. Exactement, elle pense à les photographier des trois côtés, de face, de dos, pour être sûre que, en cas de procès, elle puisse prouver l'authenticité de ses modèles. Et en même temps, mais elle est comme tous les autres couturiers, elle sait que la copie légale, ou en tout cas la reproduction de ses modèles, est pour elle source de succès et de retombées financières. Et ce qui la rend aussi très moderne, on l'a entendu, c'est son œuvre sociale. Elle n'oublie pas peut-être ses propres origines et elle travaille pour ses employés. C'est ça qui est incroyable. Elle est très en avance sur son temps. On a entendu que donc elle fait venir un médecin, un dentiste, elle propose une cantine, une crèche pour les enfants. Donc elle pense l'ouvrière. Des cours de français, d'arithmétique. Elle pense l'ouvrière non pas seulement comme quelqu'un qui travaille automatiquement, mais comme quelqu'un qui peut avoir des enfants, qui a des problèmes, qui a besoin d'être aidé, parce que souvent, c'est des femmes de conditions modestes. Et je pense que vous avez raison, c'est qu'elle n'a pas oublié d'où elle venait. Par exemple, on entend dans la fiction que à la place des tabourets, elle met des chaises, parce que c'était très fatigant comme travail. Oui, des journées extrêmement longues, exactement, hein, de 12 heures par jour sur un tabouret, c'est extrêmement exactement. Fatigant. Et donc c'est très fatigant, c'est physique, et c'est elle aussi qui donne des congés payés avant l'heure, avant même 1936. Donc, alors bien sûr, on pourrait se dire c'est pour produire plus, mais c'était surtout pour améliorer la condition de travail de ses ouvrières, et on sait que les conditions de travail de ses ouvrières n'étaient pas très très bonnes à l'époque. Vous l'avez dit, Sophie Curdjian, la mode, c'est aussi une histoire de filiation. Il va falloir attendre un peu pour que Madeleine Vionnet ait ses successeurs. Il y a Marcel Chaumont, qui était sa première, et qui va avoir sa propre maison de couture. Mais pour qu'elle soit vraiment redécouverte, il va falloir attendre les années 80, c'est ça, avec Azedine Alaïa, Yoji Yamamoto, des gens comme ça. C'est assez récemment que, en fait, certains couturiers, d'abord les Japonais, redécouvre Madeleine Vionnet. Les Belges aussi, les couturiers d'Anvers, dont Martin Margiela aussi, s'intéressent à Madeleine Vionnet et se revendiquent de Madeleine Vionnet. Et ensuite, Alaïa, mais aussi Lagerfeld. Et chacun explique qu'ils ont essayé d'acquérir des robes Vionnet pour les déconstruire, pour comprendre comment elle faisait finalement. Mmh. Parce que c'était un génie et on n'arrivait pas à comprendre. Ils ont vraiment pu le faire. Oui, parce qu'en fait, ils en ont acheté beaucoup en vente aux enchères et là, on a le droit de tout faire sur des robes achetées en vente aux enchères. On en trouve encore. C'est vrai. Mais elles montent très, très vite. Mmh. Et ça a été vraiment. Azedine Alaïa avait une collection très importante, notamment de robes Vionnet. Et donc, ces couturiers-là qui ont accordé beaucoup d'importance au corps, à l'harmonie du corps, se revendiquent encore de Madeleine Vionnet. Merci beaucoup, Sophie Curdjian. Je recommande la lecture de votre livre « Géopolitique de la mode » publié chez Le Cavalier Bleu. Et vous avez participé également au « Bouquin de la mode », un livre dirigé par Olivier Saillard, publié chez Robert Laffont dans la collection « Bouquins ». C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la réécouter, la podcaster sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires sont les bienvenus sur le site ou sur la page Facebook d'Autant en emporte l'histoire. La semaine prochaine, je vous raconterai une sombre histoire, l'histoire vraie de Mathilde Dardan, une résistante communiste disparue mystérieusement sous l'occupation. Il faudra attendre plus de 60 ans pour découvrir la vérité sur un des secrets les mieux gardés du Parti communiste français. Mathilde Dardan, résistante et traître au parti, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire.